ciel, vie ou mort de ceux qui tuent, à ceux qui sont tués, et en passant par ceux qui se taisent, la peur, la paix, la haine, l'amour, la tristesse, la joie, force, faiblesse. Je vois tout, je ressens tout de ceux qui sont humains, inhumains, toutes les bombes humaines qui ne savent pas, ceux qui cherchent, qui sont pires, qu'esclaves utilisés en tant qu'âme, sans état d'âme, sans esprit, sans sentiment, femme et homme, transformés en loques, sans estime de filles, ils n'ont plus aucun mérite, vu du ciel, je constate un tel contraste entre bien et mal que même les criminels se présentent au présidentiel. Les pédophiles sous sa place, font violeur, psychopathe, forment un couple infernal, banqueur, voleur, dictateur, ainsi tous les autres meurtriers qui ne font que le mal dans le monde s'installe. Du ciel, tu vois tout, je sais toi, ne m'échappe pas le moins petit détail. Trafic en été, mensonge, vérité, masque, véritable visage, panoramique sur la terre. Vu du ciel, je connais tout ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera. Je suis le passé, le présent, le futur, l'alpha et l'oméga. Et c'est pas tout, mais t'as ma place, une proie pas, je suis les yeux de l'univers. Du ciel, les démons s'opposent, s'apprêtent à attaquer pour que la situation soit retournée. L'enfer vive paisiblement sur terre dans 20 minutes. Les lecteurs liront, cannibale n'a pas fini de jouer au cannibale. Les méfondus dans la masse, toutes personnes sont des victimes potentielles. Toute pudeur, les détraqués sexuels et les pervers débarquent sans barrage. L'air devient irrespirable. Je constate qu'en termes directs, dans ce monde, c'est la merde. Entre tous ces bouffons que choisit Lucifer pour père, pour demeure, l'enfer. Je vois que les mentalités sont violentes. Dorénavant, c'est intense, agressif. Tes insultes sont bienvenues à la table de la vie. Plus d'imite, c'est extrémiste, plus de respect. Les gens s'éloignent tous de la vérité. Je me sens seul dans cette spirale infernale. Plus du ciel, je vois tout, je sais toi, ne m'échappe pas le moindre petit détail. Trafic à honnêteté, mensonge ou vérité, masque ou véritable visage, panoramique sur la terre. Plus du ciel, je connais tout ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera. Je suis le passé, le présent, le futur, l'alpha et l'oméga. Et c'est pas tout, mettre à ma place, une croix pas. Je suis les yeux de l'univers. Impression d'être le seul censé parmi plein d'humains déshumanisés. Si le monde est en guerre, je suis une arme avec une âme sentimentale, mais si fatale. Si je frappe, elle va te survivre comme présage. Guerrier solitaire, agissant avec bravoure, cherchant l'amour, tout faire pour que l'humanité renaisse. J'irai d'être ce rare intermédiaire entre paradis et enfer, pour que les anges se réveillent. Il est vrai, mon but ultime me fera prendre des risques. Je risquerai ma vie au point de la perdre, mais si fier d'être fou, de vouloir défier les forces du mal, je parviendrai à aller jusqu'au bout de mes objectifs. C'est très réaliste, le divin qui me tend la main, qui a prévu déjà mon chemin. Vu du ciel, le monde est en guerre, mais je ferai ressortir l'insigne de la paix éternelle. Vu du ciel, je vois tout, je sais toi, ne m'échappe pas le moindre petit détail. Trafic en été, mensonge ou vérité, masque ou véritable visage, panoramique sur la terre. Vu du ciel, je connais tout ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera. Je suis le passé, le présent, le futur, l'alpha et l'oméga. Et c'est pas te mettre à la place, une proie pas, je suis les yeux de l'univers. Freestyle arbiteur, vu du ciel.